Document 3, page 102. Ah, ces vacances! Je ne vais pas les oublier! Tu as fait des photos? Bien sûr! Tu veux les voir? Pourquoi pas? Je veux rêver, moi aussi. Regarde! Ça, c'est la plage. Oh là là! Il y a moins de touristes qu'ici! C'est super! Il n'y a personne et il y a plus de soleil qu'ici. Oui, il y a aussi plus de palmiers. C'est magnifique. Ça, c'est le village. C'est très exotique. Il y a des petites rues et de jolies maisons blanches. Oui, il y a aussi moins de voitures que chez nous. Beaucoup moins. L'année dernière, tu m'as envoyé plus de cartes postales que cette année. Ben, pendant ces vacances, je n'ai pas été très courageuse. Dis-moi, Stéphanie, qui c'est ce garçon? C'est le marchand de souvenirs. Il est très sympathique. Il y a autant de choix dans sa boutique que dans un grand magasin. Tiens, je t'ai rapporté un souvenir. Qu'est-ce que c'est? Regarde! Oh non, c'est un palmier en plastique!